Et bonsoir, on m'enchaîne ce soir. Homme chauve, masturbation et duel. À House Band, le Marianne Tremblay-Gosselin Band. Et pour vous empester de leur virilité, vos chroniqueurs Moustapha Chami, Jonathan Simon, Simon Portalance, Anne Ligère, Jean-Sébastien Godette, ainsi que notre invité Benjamin Toll, en direct du brouhaha à Montréal, Christatuc, puis la broche des vidanges, c'est 70%. Il y a plus de 9 ans, le nez collé devant l'écran, un grand enfant, ne pouvant s'empêcher de partager les questions insondées et de fonder ce qui doit se fêter. Doute.org, 70% et toujours de ses dents. Doute.org. Wow! Merci beaucoup. Hey, on a un house band de feu ce soir. Une grosse main, s'il vous plaît! Wow! Vous n'êtes pas obligé de les taper, vous allez juste avoir des grosses mains. Oui, non, c'est ça. Moi, j'ai juste demandé des grosses mains. J'avais pas besoin que ça fasse du bruit. Fait juste les montrer comme ça. Si quelqu'un peut nous apporter une grosse main, s'il vous plaît. Ok, non, on continuera pas plus loin là-dessus. On a fait le tour de la grosse main, Bruno. Hey, mon nom est Toto Lavigne. Je suis très content d'être de retour à la barre de 70% en remplacement de Tommy Godette. Pour des raisons sacrées, je crois, hein? Sont-elles sacrées? Ben, je sais que moi, je les sais pas, mais je sais pas si ça veut dire que ça. Ça veut pas dire qu'ils sont sacrées, Bruno. Ça veut juste dire qu'on te dit jamais rien. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, on en parlera plus tard les raisons pourquoi, mais on a un 70% très chargé ce soir. Je suis content d'être ici. On a un invité que j'aime beaucoup. Benjamin, comment ça va? Salut. Ça va, merci, toi? Ça va très bien. Moi, Benjamin, je suis très content de le recevoir parce que je trouve que... je t'avertis d'avance, on parle à des incultes. On parle à des gens qui n'ont aucune idée de la beauté de la chose. De l'art, non. Des gens qui reconnaisseraient pas de l'art s'ils n'avaient d'en face. Mais bon, on va quand même essayer de les éduquer. Benjamin, c'est un des, sinon le meilleur lutteur à Montréal. Je pense. Oui, s'il vous plaît. Non, mais pour moi, en ce moment, t'es une des affaires les plus hautes de la scène indépendante montréalaise. On va se le dire. Ouais, ben écoute, ça fait assez longtemps que je fais ça. Je me dis qu'il reste pas grand temps, fait que je suis mieux d'en profiter. Faut le vivre pendant que ça passe. Ouais. T'as un parcours qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Ton parcours de lutte. Ouais, de lutte. J'ai commencé les pratiques à peu près à 14 ans. Ça m'a pris 2 ans de pratique pour vraiment commencer à faire des spectacles sur une base régulière. Je suis entré dans le marché avec une gimmick pseudo-japonaise masquée là, parce que j'étais beaucoup trop babyface puis il y avait besoin de quelqu'un de méchant. Puis là au cours des années, je prends de l'expérience. J'ai surtout lutté pour la NCW, qui est une fédération qui est maintenant basée à Sainte-Rose, si je ne me trompe pas, mais qui a été pendant longtemps dans le quartier Villeray. Puis j'ai fait 15 ans, dont j'ai été 3 ans sur le conseil d'administration. Puis depuis 2 ans maintenant, je roule ma bosse à titre d'indépendant. Puis je fais les deux marchés, Montréal et Québec. Québec, présentement, c'est vraiment le gros hotspot de la lutte indépendante québécoise. C'est là que ça se passe. Oui, exact. Puis j'ai la chance de participer aux deux plus grosses compagnies que tu peux avoir au Québec présentement. À Québec, c'est laquelle? À Québec, c'est la NSPW. Puis à Montréal, ce qui marche bien, c'est la IWS. Oui, ça marche beaucoup. Hein. Oui. Mais ça, puis Battle War, là, c'est deux qui marchent très fort. Là, mais c'est deux marchés différents, dans le sens qu'il y en a un qui est samedi, l'autre qui est dimanche. Fait qu'il se pile pas trop ses pieds. Puis le Battle Wars, c'est au Fofone électrique, c'est plus petit. Ouais. À la AWS, vous faites demander des trucs un peu plus hardcore, je pense, par exemple. Hein? Ben, ça l'a été. Ça a été le cœur de la fédération pendant super longtemps, parce que ça date de quasiment 15-20 ans, cette fédération-là. Quand on parle, écoute, tu on est en train de les perdre, ça. Mais c'est ça, des fois, t'as mis par des Pokémon à des autres, là. Ok, mais en même temps, je peux pas, tu sais, je veux dire, je suis pas ton père non plus, je peux pas tout faire, tu sais, faut t'en apprendre un peu comme de ton bord. Mais là, on est en train de parler de la IWS, qui est une compagnie de lutte montréalaise, principalement anglophone. Oui, anglophone, mais qui a eu des bonnes années, comme 10-15 ans, c'était très très fort. Puis si vous écoutez un peu la lutte à la télévision présentement, il y a deux Québécois qui rayonnent vraiment, qu'on commence de plus en plus à entendre parler, c'est Kevin Owens pis Sami Zayn. Kevin Owens pis Sami Zayn, ils ont fait leurs dents à la IWS. Avant de percer le marché américain, c'était à la IWS qui était. Fait que c'est une fédération qui a beaucoup de profondeur, qui a beaucoup d'histoire à Montréal, mais pis qui a été sa map à cause du hardcore, du extreme. Quand on dit hardcore, c'est des trucs là, des barbelés, des néons, des bouteilles de vide. Beaucoup de sang, là, ça ressemble plus à une boucherie, un freak show, que de la lutte. Mais pendant un bout, c'était super populaire. Puis eux autres, ils ont fait leur marché là-dessus, puis ils ont été capables de percer aux États-Unis à cause de ça. Mm-hmm. Puis ben là, c'est ça, j'en reviens à ta question, c'est que, oui, ils nous demandent d'en faire un peu, de pousser la machine un peu plus, mais en même temps, je veux dire, si t'as pas envie de t'ouvrir le front à grandeur, c'est correct. T'es pas obligé. Ouais, c'est ça. Non, mais on vit, mais ça, disons juste que dans les années 80, surtout en Amérique du Nord, c'était pas une option. Si tu faisais partie des lutteurs qui faisaient de la lutte hardcore, puis que tu faisais un match où ce que tu finissais pas en sang, ben, c'était pas bon, genre, c'était pas normal. Fait que c'est spécial. Ça, la lutte, là, c'est-tu vrai que c'est pas vrai, ça? Je vais répondre à tes prochaines questions. Non, je porte pas un speedo. Non, je me huile pas. Puis, ben écoute. Ah, fuck, je voulais te demander si tu voulais te faire. Mais en ce moment, pour revenir un peu plus sérieusement, tu fais partie d'un groupe de heel qui doit être surtout heel à Québec, en fait. Qui est là. Ben, on joue surtout sur la rivalité Québec-Montréal. Ah, c'est magique. Mais, ça. Tu sais, c'est un peu de la cheap heat, là, qu'on appelle. Par contre, c'est facile. Il y en a qui pourraient le dire. Mais les gens de Québec réagissent tellement, demandent tellement qu'on n'a comme pas le choix de... Mais en lutte, there's no cheap heat en lutte, je veux dire, dans le sens que je comprends ce que tu veux dire, parce que la corde est trop sensible, c'est comme facile, mais en même temps, tu fesses dessus, ça marche, le fais, tu sais. On continue jusqu'à temps que ça marche, puis quand ça va arrêter, ouais, c'est ça. On passera à d'autres choses. Mais la rivalité Montréal-Québec, je pense que ça va toujours marcher. Ben, tu vois, on entame notre deuxième année, tu sais, comme on a fait 2 ans complets. Oui. Puis là, on entame la troisième, puis ils parlent pas de nous dissoudre encore. Fait que c'est sûr qu'on risque d'être moins dominant que ce qu'on a été l'année passée. Mais écoute, ça marche, puis on fait notre travail. Ça, le « on », là, Bruno, c'est parce qu'il y a du monde qui écrivent les histoires, OK? Ouais, les histoires pas vraies, là? Ils deviennent vrais une fois que t'es voué dans l'aréna. Je suis un fan de cinéma, là, je suis un fan de théâtre. Je fais le gars qui veut te fâcher, mais pour vrai... Leonardo DiCaprio, il était pas sur le Titanic. Non, mais Juliette dans la vraie vie! Je suis le gars qui fait chier, mais pour vrai, je suis un gros fan de Lucha Underground. Il connaît ça beaucoup. Ouais, la Lucha Underground, c'est un autre projet qui est super intéressant, puis c'est une corde quasiment que les Québécois devraient commencer à avoir, surtout que, tu sais, on est quand même bon au niveau effet, là, je pense, en vidéo, cinéma et tout. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder, parce que ça peut accrocher quelqu'un qui écoute pas la lutte, parce que ça s'écoute pas. Bah, arrêtez de faire semblant que c'est... C'est vrai, c'est ça. Faut qu'à un moment donné, il faut inventer des raisons pourquoi. C'est une prestation devant. Oh oui, là, je sais. Mais tu sais, ça peut être. Arrête de faire penser que le couple n'est pas amoureux au théâtre, ça n'a aucun sens. Non, mais je te dis pas d'arrêter d'avoir des scénarios. Je te dis d'arrêter de faire comme si c'était un documentaire, puis tu peux commencer à faire comme si c'était un film. Ouais, c'est ça, exactement. Comme Lucha Underground. Il n'y a plus d'espèce de voile où est-ce que tu es en train de faire assembler. Il faut que la caméra soit là parce que la caméra était là. Mais je comprends que le côté documentaire que tu passes, c'est vrai qu'il l'a, mais à quelque part, je pense que c'est juste pour englober le produit en général. Oui. À la base, ce qu'il faut que tu penses, c'est que c'est une performance live. C'est ça. C'est une cascade qui se passe live devant tes yeux. À partir de là, tu n'as pas le choix de l'entourer d'un style plus sportif. Puis à partir de là, c'est là ton histoire allait. Mais tu sais, moi, je suis un grand fan de sport, mais quand j'écoute la lutte, j'écoute pas du sport, j'écoute un film. Tu sais, j'écoute une série télé, c'est pas la même chose que quand j'écoute le sport. En tout cas. Voilà. Mais je pense qu'on s'entend pour se dire qu'on s'entend. OK. On est tous d'accord, on va peut-être pas se battre avant la fin de la soirée. OK, fait que je vais juste retourner. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout se passe bien? C'est quoi la lutte? Toto, qu'est-ce que tu calais si c'était ton bon? On va pas des questions du public. Voyons donc. Non, mais je sais pas, j'essaie de voir si. Tu sais, j'essaie de les accrocher un peu. Attends, je sais qu'est-ce qui accroche Benjamin, la plèbe. Alors, je vais le faire parce que là on est en train de les perdre. T'as déjà participé, toi, à un souper presque parfait? À deux reprises! Hey, tu t'entends pas, là? Tu t'entends pas! Ça, vous aimez ça, hein? Ça, c'est bon. Ça, c'est pas arrangé du tout. Non, pas du Bruno. Tout. Hein? Non, pas du tout. Non. Ça, c'est pas arrangé. C'est tout comme un documentaire. Eh oui. Prenez 5 personnes qui ne se connaissent pas. Oui. Mais ouais, mais t'as dit quand même, mais ça, pas ça. Tu l'as fait deux fois, t'as été choisi aussi pour le comment Star Week, genre. Ouais, ben, tu sais, en plus de la lutte, moi, j'ai vraiment une passion pour la bouffe. Ouais. J'ai le gars fatigant qui prend toute sa bouffe en photo. Oui, c'est vrai qu'on en parle d'ailleurs de tes posts. Parce je suis vraiment comme ça. Tu te lèves le matin, il y a rien, là. Il y a rien dans le frigidaire. Dans le frigidaire, il y a un peu de moutarde. Puis dans l'armoire, il y a des biscuits soda. T'as faim, il n'y a pas d'esthéticienne dans le compte. Là, t'ouvres ton Facebook. Puis là, lui, il a posté « Ah, je me suis fait déjeuner avec du homard connu, là, puis des crevettes. » Du homard connu. Fait que là, tu fais des biscuits soda en moutarde, tu regardes l'affaire, puis tu sais, ça goûte le homard, ça goûte le homard. Voilà. Non, mais écoute, vrai, ouais, non, mais je trouve ça bouffe, puis tu sais, souvent, je marche avec des restants, là, c'est ça le pire. Là. C'est parce que, moi, là, j'adore aller au restaurant. Quand je suis pauvre, j'adore faire à manger, tu comprends? Fait qu'à partir de là, tu sais, j'essaie de tout le temps rendre ça intéressant ce que je fais à la maison. Puis ça me fait pratiquer. Puis c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Là. Fait que je veux dire, je m'en cacherai pas, c'est ça que je fais. Puis, mais j'essaie là que des fois je peux être fatiguant, mais rendu là, j'essaie de vous bloquer mes notifications. Attends, hey, on peut faire ça? On peut-tu faire ça? Ça. Personne ne dit jamais rien! OK! Mais pour le super, parce que par ouais, l'expérience, c'est cool. C'est ça qui est le pire, c'est que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire, parce que je voulais voir si j'étais capable de relever le défi. Tu sais, le 2 heures de préparation, jouer avec les caméras, essayer de. Mais c'est intéressant à travers tout ça aussi. Là, mais c'était ramassé contre Bernatche, puis t'as fait comment finalement? Ouais, mais j'étais content de. Moi, je connaissais un petit peu Dom Massy, puis Mac Gervais, puis il m'en avait un peu parlé. Puis j'étais content de le rencontrer, puis ça a ouvert de quoi de nice, là. C'est pas la dernière fois que je l'ai vu, Julien, puis j'appelle souvent à son émission, en plus, on n'a pas le droit de le nommer ici. Ah ben non, on peut les essayer d'aider, certainement. Non, il est pas, non. C'est lui, non, tu te mélanges, c'est lui qui nous aime pas. C'est lui qui a pas le droit de nous nommer. Non, c'est pas, non, c'est blague, Julien, je t'aime. Ok. Il écoute pas. Non, il écoute pas. On pourrait dire ce qu'on veut, en fait. C'est ça qui est merveilleux. Ok, hey, ben, merci beaucoup, Benjamin Todd, mesdames et messieurs. Non, on va continuer. Écoute, bon, je te laisse aller. Tu restes avec nous. C'est comme tout le monde en parle, mais je suis agréable. Ok. Mais je reste à faire des jokes plates, par exemple. Puis tu restes, puis tu commandes quand t'as besoin. Je suis sous-payé par rapport à la dernière page, d'ailleurs. Ben, on pense ça. C'est ça, on pense ça. Il est des nouvelles tout à fait exceptionnelles. Bravo pour l'appropriation des durs. Hein? Ah, l'enquête fut de courte durée pour la police de Santa Clara à la recherche d'un homme ayant volé du matériel électronique au siège social de la compagnie Rombie. Le fait qu'il avait laissé ses empreintes digitales et son ADN un peu partout sur la scène de crime aurait rendu l'enquête assez facile, mais le fait qu'il ait volé 100 balises de repérage électronique donnant sa position exacte aux policiers a probablement été son erreur fatale. Les balises ne s'éteignent pas, affirme le vice-président des produits de la compagnie. Tant qu'il y a une pile fonctionnelle dedans, on sait où elle se trouve dans le monde. Les policiers ont mis 48 heures pour retrouver le suspect qui avait dérobé pour 30 000 $ de matériel. Wow! Un futé. C'est toutes des vraies nouvelles en tout cas. Je suis pas sûr que c'est une bonne affaire, ça, mais. Ben, ça nous prouve que l'humanité avance à 70%. C'est ça. Tranquillement, pas vite. 10 pas en avant. 3 pas en arrière. C'est le même. À Clarksville, au Tennessee, un homme a dû être repêché par les services d'urgence après avoir conduit directement dans une rivière. L'homme croyait qu'il conduisait vers un pont et s'est rendu compte trop vite de son erreur. C'est ça, c'est tout. Ouais, mais tu peux pas prendre tes nouvelles au Tennessee, c'est pas juste. Puis surprenamment, j'en ai aucune de la Floride cette semaine. Ouais, la Floride, c'est pas pire aussi. Non, ça arrive pas. Mais je m'en vais en Oregon, à Portland, où un homme a littéralement pris en main sa haine envers la ville en se masturbant furieusement devant le siège social d'un organisme à but non lucratif. Lorsqu'interrogé sur les raisons de ses actions, Terry Lee Anderson aurait déclaré « J'haïs Portland, tabarnak ». Il a été accusé de grossière indécence. Oui, probablement. Merci, Bruno. Avec plaisir. On se revoit plus tard. On se revoit plus tard. Ça va bien aller. Stéphane. Comme Québec. Allez, comme ça. Hein? Salut. Ouais, la conversion se fait de plus en plus lentement, c'est comme décevant. Bah, tu viens moins souvent. Ouais, vous avez perdu votre moment de temps. Moins hein? Souvent aussi. Oui, mais vous aviez du moment de temps, là, vous l'avez comme perdu. Man, je vois qu'est-ce qui se passe. C'est comme si on veut plus. Vous avez mal choisi. En tout cas, ouais. Vas-y, faites tes affaires. Ouais, fait que. Ça, là, ici, c'est plus facile. En ce mois de Ramadan, où tous les musulmans et musulmanes de la planète sont appelés à faire preuve d'introspection, de réflexion et d'humilité. Non, c'est juste, là, ça résonne pas bien. Tant qu'il fait clair. Ouais, tant qu'il fait clair. C'est ça. Je, votre imam des valeurs québécoises, donc votre supérieur intellectuel, spirituel et culinaire, dois humblement vous demander pardon. Parce que mon dernier numéro était pas si hot. C'est vrai. On s'entend. Ah, ouais, toi, t'étais pas là, hein. T'as tout manqué ça. C'était une non, mais je te crois. Je le dis. On va voir ce que j'ai pour toi, tout le monde. Non, mais c'est en partie parce que je réalise que je me répète. Et ça fait quelques années que je parle à peu près du même sujet. Puis ça finit par être un drain pour à peu près tout le monde, incluant moi, incluant Toto, Bruno, tout le monde ici. Tu veux-tu? Ouais, hein? Fait que j'ai décidé que je vais parler un peu plus fort, juste au cas où qu'on m'entende pas bien. Parais-tu que j'aime bien CM Punk? Ouais, quand même. Ouais. Ça, c'est une autre affaire de lutte. Oui, là, chérie. Hey, en passant, tantôt, il a mentionné Sammy. C'est un Syrien, en plus. Ouais, c'est vrai. C'est bien, là. Je l'ai vu. Ouais, mais Vince McMahon, il a décidé qu'on n'en parlait pas. Ouais. Il y avait un faisait un Mexicain. En fait. C'est ça. Ah, fait c'est presque aussi génial qu'un Italien qui fait un Arabe. Ouais! Lui, il sait de quoi je parle. Ouais, Mohamed Hassan! Ouais. Arrête de parler. Bon, tu veux? Non, mais il y en a un. Posez-y des questions à lui, là. Il va vous aider. Bon. Moi, ouais, parce que j'ai remarqué une augmentation quand même assez ridicule de la supposée droite alternative. Là. Celle qui veut défendre la veuve et l'orphelin tant que la veuve est blanche puis que l'orphelin est prêt à joindre à la milice pour mourir. T'sais. Ou pas encore né. Ou presque pas encore né, c'est vrai. C'est où, hein? Ah, OK. Ah, shoot, j'ai mal dit. C'était mal la résistance. J'ai mis plusieurs R parce que je voulais qu'il y ait l'insinuation qu'il y ait des croissants, mais il y en a juste pas. Il y a juste du pudding chômeur. Moi non plus. J'ai pas pratiqué mon numéro tailleul, Antoine. Moi non plus, je comprends pas tout de suite. On va comprendre la fin. Suis! Tailleul, Antoine! Je t'entends, toi, dans le coin. Ah non, pas encore. Il exagère. On est bien accueillant ici, puis c'est lui le raciste. Puis il est pas content, mais qu'il est retourné dans son est pays. Hein, ça m'a apprendra de pas pratiquer mon numéro juste avant d'arriver ici. Et si on parle des personnes dans la pièce, c'est vrai que oui, c'est vrai, j'exagère. C'est pas tout le monde ici qui a un problème. Mais parce que je suis en train de prêcher à ma paroisse, essentiellement. Là. Tout le monde est déjà converti, tout le monde sait exactement de quoi je parle, tout le monde sait de quoi j'entends. C'est juste le monde qui m'écoute, qui veulent ma mort sur radio, à qui je parle en ce moment. Y a-t-il beaucoup de gens qui veulent ta mort? Quand même! On dit qu'ils ont du temps à perdre. Je le sais, hein? S'ils savaient. Si la personne qui est dans le coin qui a gueulé les affaires imaginaires, il y a sérieusement des problèmes de colère, devrait consulter. Ok, c'était moins drôle que je pensais. Peut-être un petit peu. Un petit peu, hein. C'est pas grave. Ceci dit, j'ai quand même croisé une marche des patriotes récemment. Puis je dois dire que c'est quand même assez pathétique à voir. C'est à peu près aussi pathétique que 4 Denis Lévesque qui chante encore avec Gildar Roy. Je dis pas que Gildar Roy chante mal, je suis en train de dire que ça prend 4 Denis Lévesque pour ruiner un Gildar Roy. Hey, mais ça, on a de ça, hein? Mais ça va être à l'examen, ça. Ah. C'est une nouvelle unité de mesure. 4 Denis Lévesque pour un Gildar Roy. Égale 0. C'est. 4 Denis Lévesque plus un Gildar Roy égale 0. Égale 0. Je l'ai écrit juste pour toi, celle-là. Merci. Je l'ai aimé. Je veux dire, pour ceux qui ont l'air de les voir live devant moi, ça fait quand même un peu de bien. T'sais? Parce que de voir un groupe d'une cinquantaine d'imbéciles heureux avec leur drapeau italien manqué, en train de bloquer l'accès sur René Lévesque, ça tombe dans une définition quand même assez particulière de l'ironie. Et je m'explique. Parce qu'ils ont fait exactement ce que le caillot sanguin qui a fini par prendre la vie de René Lévesque en 85. Ils ont bloqué la terre. Oh, hey, toi, tu trouves la poetic justice aussi en a, hein? Ouais, c'est comme voir le Québec mourir de petit feu. Pas sûr que je suis à l'aise avec celle-là. Donc, moi, j'ai été pris d'un petit peu de Schadenfreude. Puis pour le, ceux qui ne savent pas c'est quoi le Schadenfreude, c'est un mot allemand qui veut dire vaguement. À peu près. C'est beau l'allemand. Moi, je trouve ça beau l'allemand. C'est une belle langue. Ouais, c'est beau. J'ai pas pu leur envoyer un petit message. C'est quoi, tu m'as envoyé un message à ces gens-là? Ben, je l'aurais déjà envoyé, mais ça, ça vaut la peine d'être répété. Ouais. Ouais. Là, ça c'est le bout de ce qu'on est à l'aise? Non. Non? Ok. Tant mieux. C'est bon. Là, ça, ça ressemble à peu près à ça. Fait qu'imaginez, là. Gang de racistes! C'était vraiment. Ça le porte vraiment en confusion concernant ce que j'ai de l'air. Ben, ouais. Non, ils savent pas exactement ce qui se passe. Mais en même temps, je voulais commencer ça simple. Je voulais pas leur faire trop mal trop rapidement. Puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Me censurer, brimer ma liberté d'expression. Moi, il me semble qu'il aime assez ça qu'il me laisserait aller de toute manière. On fait un moment de pause pour la réaction de Toto. Puis, j'ai enchéré d'un petit... Circuler. Parce qu'il y avait la police. Puis, je voulais savoir, laisser savoir à la police que j'étais pour l'instant avec eux en ce moment-là. Ah oui, parce que ça, ça marche tout le temps. Ah oui, t'es tout. C'est la police, c'est comme, hey, le brun, il est de notre bord. Non, ça marche pas, ça. Non, ils savent pas. C'est comme, c'est caché. En tout cas, je me suis pas trop rapproché parce que le port, c'est pas halal. Donc, Mais je voulais quand même leur lancer. J'ai retenu, je l'ai pas lancé, mais je voulais leur lancer comme si vous êtes pas content à retourner dans votre pays. C'est juste que je reconnaissais qu'en quelque part, c'est, retourner dans, c'est difficile de retourner dans un pays imaginaire. Puis aussi. Puis aussi, je savais pas c'était comment dire en algonquin, retourne dans ton pays. J'ai fait des petites recherches. Je pense que ça ressemble à kiwi à qui. Fait que si quelqu'un parle la langue, je suis désolé que j'ai massacré la langue et la syntaxe. Venez me corriger. Google Translate n'a même pas cette option-là. Hey, un groupe de plus ou de moins d'offensés, hein? Hein? Rendu ce qu'on a. Rendu là. Non, mais ça c'est mon ma position. Ouais, c'est ça. Ah, imaginaire. Le PQ récemment, je trouve que c'est pas fort. Oui, je sais. Kevin Saïdar décide qu'ils veulent pas s'allier avec eux, puis là, le PQ agit comme un doux qui se fait rejeter par le prix après qu'il est harcelé pendant plusieurs mois sur Facebook. Je sais pas là pour voir la conversation, mais j'imagine que ça ressemblait à peu près à « Hey, veux-tu Magic? » »« Ah, non. Comment ça t'aimes pas mes dick pics? T'es-tu lesbien? » »« Non. Juste t'es bien déplacé. »« En tout cas, c'est même pas intéressant. En plus, t'es lettre, t'es grosse, pis fuck you, c'ti! » C'est plus Yes. T'es sûr? C'est une ligne guide. T'es sûr? Ouais, c'est une ligne guide. En tout cas, attention. Ouais. J'ai skippé un buzz juste pour dire ça. Mais je demandais quand même que le PQ se dissocie des propos de certaines personnes. Notamment un ancien. Tout le monde sait de qui tu parles, c'est correct. Mais je veux dissocier de eux, je veux des demandes, des excuses publiques. Puis je veux aussi une lettre de démission signée par Team Vogue, BuzzFeed, puis le McLean sont des journaux raisonnables et respectables. Quelque chose qui va vraiment mal. Ouais, effectivement. C'est pas. Puis en plus de ça, le type de monde dans lequel on vit, c'est lequel où est-ce qu'on m'accuse de pratiquer la taqiya. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la taqiya, c'est la pratique où est-ce que les musulmans ont le droit de faire semblant de ne pas être musulmans si notre vie est menacée. Mais on m'accuse de pratiquer la taqiya sur scène quand je commence avec un passant au Québec. et puis que je parle sans arrêt de halal, de bar, de même, juste pour dire que j'en ai pas. Je sens que je n'ai pas été musulman pour vaincre et convaincre. On m'a vu venir, c'est comme si j'étais un assassin habillé en blanc avec des couteaux de cuisine partout de la tête. Mais en même temps, si c'est vrai que je fais ça, de nous dire ça comme tu le fais en ce moment, c'est la meilleure tactique au monde. Je suis caché en hidden in plain sight. Oui, ça. Le monde ne me voit pas venir parce qu'il me voit venir. Moi, c'est ça, dans le dernier Fast and Furious aussi, on m'a... Ouais, exact. Avec la chambre à l'entrée, j'ai pris exactement la tactique. Fait qu'en conclusion, pas parce que je mentionne qu'il y a des racistes dans ça, que ça veut dire que tout le monde ici, il est. Il y a toujours un partout. C'est que ça paraît dans tes yeux. Fait que ferme tes yeux, parce que... Ouais. Dit-il son drapeau américain à la main. Non, mais c'est juste parce que je commençais... parce que je commençais à être de moins en moins à l'aise, que j'avais besoin de mettre un rayon fort. Non, c'est pas toujours l'ombre des gars weird. Parfois, c'est juste le dos qui t'en regarde comme si il jouait dans ce rayon. Je suis vrai, j'ai écoute. Ouais, c'est ça. Maintenant, si ça, c'est le punch. C'est le punch. Non, ça va être plus drôle s'il y avait quelqu'un. C'est sûr. Maintenant, si je veux m'excuser, je dois retourner contre mon marathon de Brooklyn Nine-Nine. Ah oui! Vous savez, mesdames et messieurs! C'était vous savez, un. Oui! Believe it or not, il y a eu du personal growth dans cette année. Ouais, de l'humilité. C'est. Oui! T'as trouvé ça? Tu vas pas le la vie, toi. Mais tout le monde est poliment tout le temps, mais c'est chill. Hey, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? On enchaîne. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien? Exactement. Hey, c'était le Grand Prix. Aimez-vous ça, le Grand Prix? Non! Vous l'avez vu? OK. On va bien s'entendre. C'est quoi que j'aime? Les bicycles à gaz. Ouais. Ben? Pis surtout les Bigfoot, mon petit érotte. Ah oui, non, ça. Moi, c'est qui mon Bigfoot préféré? Ah, t'es connais avec eux. C'est lequel? Ah, ben c'est... C'est Grave Digger! Grave Digger! Lui, il connaît son nom! Yes! Hey, c'est le mec qui connaissait la lutte! Il peut même être assis là! Tenez-vous avec! Ça aussi, ça va être un examen! Tenez-vous avec! C'est qui mon deuxième Bigfoot préféré? Ah, j'en connais un deuxième! Hey, plus que ça! C'est bien la deuxième! C'est Medusa! Medusa! Lanny Turns! Elle avait. Si, elle a Dublin, son autre nom! Elle avait un Bigfoot! Elle a un Bigfoot! Qu'est-ce que tu veux donner de plus à une femme? Elle chauffe des Bigfoot et elle fait de la lutte. Est-ce que tu l'as? On se mettrait bien ensemble parce que moi je suis champion Street Fighter et je suis dans la boxe. Match made in heaven. J'arrive à penser à aucune autre chose que je voudrais d'une femme. C'est ma combine. Hey, hop, c'est super rock. Puis moi je suis un historien, hein. Ah ouais? De lutte? Ah ouais. C'est qui mon athlète préféré? C'est Werner? Non, Adrien Desbois. Adrien Desbois? Ouais, c'est un acteur québécois. C'est un acteur québécois. C'est qui mon manager préféré? Non. Tarzan la bottine Tyler. Ouais. Les deux sont morts ensemble avec Mad Dog Lefebvre. Il y avait Tarzan la bottine, c'est pas une main? Non, Tarzan, ça c'est. Toi tu parles de Little Beaver. Ah ouais. Je suis un historien de la lutte. Je connais tout. Bon, non, mais tu sais jamais quand est-ce que tu vas avoir besoin d'un historien de lutte. J'arrête pas de dire ça. Je veux te nommer beaucoup de fois que t'en auras pas besoin, par exemple. Non, mais faut pas que ma blonde le sache. Bon, avant de débuter dans mon sujet, je vais répondre à une question que le monde m'achale tout le temps avec ça. Pourquoi, Kevin, t'as toujours une dose de fromage? C'est une bonne question. OK. Il y a deux raisons à ça. OK. Premièrement, quand j'étais jeune, à un moment donné, je me suis fait garder chez les Lucier, les frères Lucier, Normand, Armand, Gaétan puis Gondran. Puis c'était leur mère, Normande. Elle m'a gardé pendant un mois. puis elle refusait de me donner du fromage, maudit Hérode. Ça m'a traumatisé à vie. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me transporter du fromage avec moi, peu importe ce que je veux, au cas où. Parce que si, mettons, le soir, j'ai pas le temps de manger, j'ai pas l'opportunité de manger un repas avec du fromage, ben, j'ai une dose. T'sais, d'un coup qu'il y a une tempête, puis j'ai pas accès à du fromage le lendemain, ben, je vais avoir une dose. Toujours prêt. Puis je la mangerai pas le lendemain matin, moi, là. Je vais en manger à la fin de la journée. Parce que moi, je suis pas prêt à me sacrifier puis manger du fromage, du cheese whiz, puis du Kraft Singles, puis ces affaires-là. C'est dégueulasse, c'est même pas du vrai fromage. Puis l'autre raison pourquoi j'aime le fromage, ben ça c'est simple, j'en ai parlé dans une autre chronique, c'est que ça garde en vie, ça garde en santé, hein. Les souris là qui nous ont donné du fromage à cause du spermicide. Spermidine, je voulais dire. Spermidine, il y a du spermidine dans le fromage, puis ça te garde en santé. Puis moi je veux vivre longtemps, maudit Hérode. Ben écoute, grand bien t'en face, Kevin. Là, avec ça. Là, on a parlé des frères Lucier, puis on va encore en parler plus. Ben, parce que moi, c'est mes nemesis. Tu peux-tu les renommer? Armand, Normand, Gontran, puis Gaétan. Ah ouais, c'est bon. Leur père, c'est Bertrand, puis leur mère, c'est Normande. Normande. Ouais. Bon, OK. Fait que là, on va parler des frères Lucier de Saint-Donat, les pires Lucier au monde. C'est les pires Lucier au monde! Ah, c'est des tout croches. Quand j'étais jeune, bien jeune, je me tenais avec des frères Lucier. Moi, puis bien du 4, on se tenait avec des frères Lucier. Okay. Okay? On avait bien du fun, esti. On allait même au junkyard à Marcel. On s'était fait un ring avec des hoods de char pis tout le kit. C'était bien le fun. Puis moi, dans ce temps-là, je tripais sur Gino Brito, le lutteur. Ben, eux autres, ils l'aimaient pas, Gino Brito, tu sais. Gino Brito, tu me tapettes. Mais il était cool, Gino Brito, aussi. Puis Pierre Duquette, lui, il aimait ça faire Bam Bam Bigelow. Là, il l'équerrait, c'est trop lourd. Là, tu sais, ça a commencé à se diviser entre nous autres, puis les frères Lucie, moi, puis Pierre Duquette, on était ensemble, puis les quatre Lucie ensemble. Puis là, à un moment donné, les Lucie se sont fait garder par ma mère. Et? Là, ma mère... Ah, c'est important. Tout le monde suit, là. Ah! Hey, ça va être à l'examen. Ah, oui. Là, ma mère, elle a gardé moi, puis Etiquette, puis Lucier. Puis à un moment donné, elle nous a préparé un sandwich au jambon. Ouais. Là, ils ont pogné une bouchée dedans, et un petit fromage, ils ont craché à terre, ils ont pitché le sandwich à terre, puis là, ils étaient en tabarnouche. En tabarnouche. Là, ma mère, elle les a trouvés vraiment à cave, combiné au fait que la mère Lucier m'avait empêché de manger du fromage dans le passé. Là, à partir de là, ça a été la guerre. Okay? C'est à partir de ce moment-là que moi et Pietiquette, on allait lui lancer des roches tout le long de la traque. Parce que c'est des caves. Non, mais on a fait du chemin pour la tolérance sur les intolérants au lactose. On a fait du chemin quand même. Fait que là les Luciers, je m'en allais avec ça. Ah, c'est ça. Le plus jeune, c'est Armand. Armand Lucier, c'est puis lui, ben, la famille au complet, il t'appelle, c'est les frères Rougeau. Ouais. Puis ils l'ont nommé Armand en raison de Armand Rougeau, celui qui a pas pogné. Ouais. Sauf que là, Armand vient de rentrer en dedans, puis il s'est fait pogner. OK, fait que c'est ça. Hein? Puis, je voulais dire aussi, là, moi, j'aimerais ça être un entraîneur de lutte, parce que moi, un manager, c'est-à-dire, parce que moi, j'ai écouté les meilleurs, hein, Bobby the Brain Heenan, Jim Cornette, Tarzan la bottine Tyler, nope. Eddie Creechman, Jimmy Hart, je connais toutes. Puis, moi, ma gimmick, là, ça serait d'amener du fromage sur la scène, bien, sur le ring, parce qu'avec du fromage, tu peux faire plein d'affaires, hein. Tu peux distraire ton adversaire. Ouais, c'est sûr. Tu peux distraire l'arbitre. Tu peux même le pogner et le mettre dans les yeux de ton adversaire pour l'enrégler. Fait que tu me lâcherais un goal. Merci. Kevin, mesdames, messieurs! Il va y avoir plein de la lutte, là. GS, il a dit qu'il allait avoir de la lutte. Moi, je tripe bien. Oui, GS. GS, avec lequel tu n'as aucun lien, on tient à le souligner. Non, c'est important. Parce qu'il y a des rumeurs, des ragots. Je suis fatigué. Enchaîne. Wow! Comment vas-tu, Toto? Simon, je suis content de te voir. Moi aussi, je suis content. Je veux un câlin. Je veux avoir un câlin. Je veux voir. Hey, le droit! L'excuse! Un slow! Vous avez aucune empathie, vous êtes le pire être humain au monde. C'était digne de la fin d'un épisode de Mimi et Geneviève. C'est vrai. Moi, Toto, tu sais, je suis un guerrier de la justice sociale. Oui, je sais. Je défends les opprimés. Oui. C'est bon de remettre les points CI et les barres CT. Puis les trous d'un zéro, les en plus. Les trous d'un zéro. Moi, je fais ça dans la vie. Ah oui, c'est important. Les gingras quand ils allaient, là. Hey! Pas si mauvais que ça, hein? Hey! Le monde dit, hey, c'est le plus grand flop de l'histoire de TQS. Oh, minute! Le monde en 2000, là, catchait pas ça, l'anti-humour. C'est vrai? Moi, je suis convaincu, moi, j'ai une théorie là-dessus, là. Stéphane Laporte, quand il inventait ça, les gingras Gonzalez, là, pas mal sûr que ses auteurs faisaient par exprès pour trouver des jokes de merde pour que ça soit poche, pour mettre en valeur CNM. Moi, c'est ma théorie. C'est ça. Sinon, pour les gens qui connaissent pas ça, je vais faire un résumé vite. Non, on peut pas les aider, ces gens-là, en même temps. Ouais, mais je vais leur expliquer c'est quoi le concept. C'est un super sitcom qui remplaçait La fin du monde est à 7 heures en 2000. C'est peut-être ça le problème, en fait. Parce qu'elle remplaçait La fin du monde, c'est pas étant. C'est un super sitcom avec Michel Richard dans le rôle de Ginette, Martin Petit dans le rôle de Alvaro, et Stéphane Breton dans le rôle de Enrique et Julien Poulin dans le rôle de Raymond. Il n'y a pas Pauloud qui avait claqué la porte, tu sais. Comment? Il n'y a pas Pauloud qui avait joué puis qui était parti. Pauloud, il animait CNM, mais ça, okay. C'est après. Okay. Fait que ça, c'est l'histoire, c'est comme les quatre personnages principaux des gingras quand ils en l'air. Parce que tout isole les deux, même si c'était dans la même émission. Non, c'est pas pareil, Toto. Mais non, je sais, mais j'essaie. Non. Oh, je sais pas, j'essaie de te comprendre. Attends, j'explique, laisse-moi le temps. Ça, c'est le gingras Gonzalez. Et l'histoire, c'est que Ginette est une femme dans la cinquantaine qui épouse Alvaro, qui est un Cubain, qu'elle a rencontré là-bas, puis là, elle le ramène au Québec avec lui, imagine-toi donc, avec son frère Enrique. Puis là, c'est super drôle parce que c'est plein de jokes de racisme, plein de jokes malaisants. Oh oui, mais moi, je suis sûr que c'était volontaire. Tu sais, l'anti-humour en 2017, le monde aime bien ça, hein, les blagues volontairement mauvaises. D'ailleurs, c'est pour ça hein, que j'ai un following. Puis tu sais, en 2000, le monde catchait pas ça. Puis là, l'affaire, le concept qui était bien extraordinaire dans les gingras Gonzalez, c'est que c'est un sitcom qui durait 2 minutes. Après 2 minutes, le décor se sépare en deux et on a pendant 22 minutes CNM, le canal des nouvelles modifié. C'est ça le running gag, c'est qu'à chaque épisode des gingras Gonzalez, ça coupe et on a un bulletin de nouvelles spéciales animé par Pauloud. C'est du génie, Chris! Hey, moi, avoir eu une idée de même, je serais millionnaire! Hey. Peut-être pas, non? Fait que toi, Simon, t'étais chez vous, genre, pis tu pensais aux injustices dans le monde, pis ouais, aux problèmes. Ouais, les gingras Gonzalez. T'sais, hein, les attentats, pis ça va mal, pis on sait pas où ça s'en va, pis fuck, est-ce que les gingras Gonzalez? Non, c'était bon! C'était sous-estimé! Le vrai problème, là, c'est les gingras Gonzalez. Ouais, tu sais, c'était en 2000, hein, les attentats du 11 septembre, là. Ah ouais? Pas Al-Qaïda, les Al-Qaïda ont fait ça pour revendiquer le retour des gingras Gonzalez. Moi, c'est ça, ma théorie. Aïe, aïe, aïe! Moi, j'ai fait mes recherches là, sur Wikipédia et il y a aucun... Oh, des recherches exhaustives! Exhaustives! Il y a aucun, mais je dis bien aucune personne qui jouait dans les gingras Gonzalez qui a écrit sur leur page Wikipédia. Ça aussi, c'est une injustice que je vois. Ouais, Marc Perry faisait la musique, lui, oh, passante! Avec les gens grands à Gonzalez! C'est incroyable! Mais en tout cas, avec moi, à soir, on va chez nous, sur Wikipédia, on va sur la page Wikipédia de Martin Petit. Martin Petit est un scénariste humoriste québécois né, là, telle date, je me souviens pas trop de l'année de sa naissance, reconnu pour son rôle de Alvaro dans les gens grands Gonzalez. Bon. Regarde-moi dans les yeux. T'es pas game. Je suis crissement game, man. Pas game. Moi, Martin m'a dit, hein, si je le croise, il m'a l'écœuré. Il m'a pas l'écœuré, il m'a dit, hey, les gens là, quand ils en l'aise, c'est fucking bon, je veux un film. T'sais, gros cas de bullyisme, genre, il pousse pis il rit. Moi, je veux un film des Jenga Gonzalez. Un film? Je veux les personnages de Jenga Gonzalez d'un pêcheur, ni plus ni moins. On répare Ah ouais! Ouais, bring back Michel Richard, certain. Si jamais, là, Martin Petit veut pas faire Alvaro, ben moi, je connais quelqu'un qui va le faire. Julien Bernatché, on va appeler ça les gingras Bernatchez. J'en ai parlé, il est dans. Moi, si tout est prévu, là, on n'y reste pas. Sinon, ça prend juste la signature de quelqu'un avec un peu d'argent. En fait. Ouais, ben Stéphane Laporte, finalement. Ah! Ça, c'est alors, pas un peu d'argent, ça, par exemple. C'est vraiment beaucoup d'argent. Moi, pour vrai, Stéphane Laporte, c'est genre, les gens quand comme ça, la voix. Ah, ah! Tu sais, on n'y est pas avec ça. Sinon, même CNM, tu sais, Sylvain Larocque, il n'y a pas les gingras Gonzalez, sa page Wikipédia. What the fuck, Calis? C'est son highlight de sa carrière. Moi, je n'y est pas, là. Hey, moi, je suis vraiment fan de ça. J'ai écouté 8 épisodes. Je vais en écouter plein d'autres. Je vais faire un... Je suis vraiment fan, j'ai écouté 8 épisodes. TQS, certain. Hey, moi, je vais défendre TQS jusqu'à ma mort. Eux autres, ils essayaient des affaires. Aujourd'hui, les boss de TQS... Là, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais... Attends, ça, qu'est-ce que tu dis, là, sinon? Les boss pèsent tes mots. Là, je pèserai pas, je suis trop mec. Moi, les boss de TV, ils volent le contenu aux Américains. Ça a déjà marché là-bas, on fait ça au Québec. Fuck off, TQS, ils inventaient tout, hein, sans limite, hein, Richard, TQS, ils ont pas volé ça aux Européens, les Simpsons, ils ont pas volé ça, leur GMP, hein, flasher lumière, pas les Américains qui inventaient ça, certains. Eux autres, elles sont originales. Non, dans le temps qu'on faisait des conneries. Ici, nos conneries. Le terroir. Ma cour, mes bébelles, mon TQS. Don't fuck with this. La merde, ça passe, mais qu'elle soit locale. Locale. Comme la bouffe au Québec, les fruits locaux, faut encourager ça. Pis ça, pis là, les chaînes de TV, c'est en site, ça vole le contenu. On est plus à la traque, là. Ou bien, ça crée des émissions comme Like Moi, que genre le concept est préétabli genre 8 mois avant que ça rentre en onde pour être sûr que ça pogne à la première émission. Moi, les meilleures émissions de TV, c'est ceux-là qui sont poches au début qui lèvent. On va se dire, sans limite au début. Bon, la fin du monde est à 7h au début, moi, mais... CNM, là, pis les gingras Gonzalez, s'ils avaient fait une saison 2. Il y a juste eu un début, c'est ça le problème. Il y a juste eu un début. C'est ouais. Pour ça que c'était poche. Ça a duré 2 mois. Hey, s'ils avaient fait 2 saisons de ça, on en parlerait autant qu'on parle de la fin du monde est à 7 heures. Je suis prêt à gager ma chemise là-dessus. Ben, mon chandail de Club Dorothée. Ça fait 20 minutes que tu t'énerves pour quelque chose qui s'est passé pendant 2 mois avant que tu saches lire. Ouais! Okay. Moi, j'ai une priorité au bonne place, Toto, là. Fuck. C'est correct. J'ai-tu déjà dit que je suis célibataire? Hey, non, mais on est tellement... Je le savais. On communique tellement. Mais c'est clairement ma meilleure chronique à vie. Je pense que oui. Ben, écoute, comment je pourrais conclure ça de manière punchée? C'est ça, merci beaucoup! Yeah! Yeah! Yeah! Rappelez-moi, la prochaine fois que je vais amener ma guitare faire un cover du thème des gingras Gonzalez, parce que c'est le meilleur thème de l'histoire de la télévision québécoise. Allô, Marc Derry? Ça aurait de l'impact s'il disait pas une fois par mois et demi, ben ouais. OK. Hey, on peut-tu faire quelque chose d'extrêmement non professionnel, c'est-à-dire demander la serveuse en avant? Parce que il fait soif. Mais je pense que c'est dit. C'est ça. Hey, Benjamin, je veux dire, il y a quelque chose en lutte qu'on fait pas, que Simon vient de faire. Quand ça marche, mais que c'était pas prévu, on le dit pas qu'on avait rien de préparé, puis on vit avec. Hein? Ouais, c'est ça. On est content dedans. C'est ça. Ça a marché, c'est correct, on s'en sort. Hey, je vais parler un peu de Kevin Owens avec toi. Ok, ouais. Mais tu l'as-tu, l'as-tu côtoyé un petit peu? T'as-tu lutté avec? Côtoyé, je dirais pas jusque-là, mais j'ai déjà lutté avec deux, trois fois. Là. Mais un succès comme lui, il connaît, ça aide tout le monde en dessous, dans l'industrie, je pense. Ouais, ben c'est sûr, j'ai... ça rayonne. Moi, ce que j'aime de tout ça, c'est que ça ouvre les portes parce que, tu sais, le Québec a déjà eu une super notoriété, je devrais dire, dans le milieu de la lutte. Le Québec, ouais, c'est ça. Vince McMahon voyait le Québec vraiment comme un marché intéressant. Puis ça, ça a été complètement mort là, après les Rougeaux pendant très, très, très longtemps. Il y a Sylvain Grenier qui a été capable de brasser un peu, mais ça a jamais profité autant. Parce que au-delà du fait qu'il est Québécois, Kevin, c'est... Il y a un physique qui est pas atypique à qu'est-ce qu'il y a d'habitude à la lutte. Fait que ça ouvre une autre barrière de l'histoire des stéroïdes, des gars qui sont vraiment coupés au couteau. Moi, je peux te garantir que Kevin Owens a jamais pris une shot de sauce. Ça paraît. Je te le dis tout de suite. Mais... C'est sûr. Si oui, il le fait pas comme non, il faut. Non, c'est ça. Il le fait pas comme il faut. C'est ça, exact. Ben, c'est ça. Il se prend une shot de sauce, et après ça, il va manger un sac de chips. Ouais, c'est ça. Il continue la sauce à poutine. C'est ça qui arrive, là. Mais c'est de la sauce à poutine. C'est ça. Mais c'est fait que ça a ouvert une autre barrière vraiment intéressante. Puis je pense que présentement, on n'a jamais été aussi bien représenté comme lutte. Puis, veux pas, moi, je trouve que ça apparaît un peu, là. Il y a des gens qui n'étaient pas intéressés à la lutte qui viennent voir des spectacles pareils parce qu'ils le voient maintenant beaucoup plus comme un divertissement. Fait que, puis c'est ça, c'est comme année, il a fallu péter le moule de faux sport puis juste dire, on fait un spectacle puis il faut au théâtre ou faire la lutte, mais c'est pareil. Mais j'ai l'impression aussi qu'au Québec, on est fort sur le, il y a un Québécois qui roule fort, ben là, on va s'intéresser, tu sais. Jacques Villeneuve, on était bien content de suivre la F1. Quand Georges Saint-Pierre est arrivé en UFC, là, tout le monde parlait de ça. Puis, fait que je pense que si Kevin continue, parce que Kevin aussi, il est pas juste comme au niveau du début de carte. Là. Non. Il a gagné des titres importants. En arrière, il y a vraiment, il a son mot à dire. Fait que c'est ça qui est intéressant dans tout ça. Fait que s'il continue à jouer ces cartes-là, puis il continue à bien faire son travail, ben ça va juste super bien nous représenter, puis ça peut juste être bénéfique pour la marché québécois. Parfait. Hey, comment ça se passe ton 70% à date? Ben moi, j'aime beaucoup ça. Là, j'avais déjà écouté l'émission avant, fait que j'avais un peu à quoi m'attendre. Oui, si je te pose pas la prochaine question, je vais me faire bannir d'un endroit que j'aime beaucoup, qui est le musée de l'absurde. Est-ce que tu joues à Magic? Non. Mais t'avais déjà écouté l'émission. Je savais que j'ai obligé de la poser, ça m'énerve. Ouais. L'autre question que je pose tout le temps, c'est le système de la lutte, mais là, c'est pas une heure qu'on en parle. Donc, moyen. Mais tu vois, je me suis fourré avec Tarzan la bottine Taylor. On va profiter de ce moment-là parce que mon oreillette. Très subtil. Il est venu me parler. On aimerait ça que tu nous fasses un indicatif. Tu sais, genre, je suis Benjamin Toll ou tu peux peut-être le faire en kéfin aussi si tu veux. Ouais, non, je suis. Ça va. Quand je te casse la gueule, c'est pas à 70%. Okay. Ouais. Ben, tu veux le faire sans gaming? Ben, là, fais-le, puis toi, on va l'isoler. C'est ça qui est moins intéressant. Ben, fais-le comme tu veux. Fais-le comme tu sens. Vous écoutez 70%, ici Benjamin Toll, puis c'est ça. J'adore ça. C'est parfait. On enchaîne. C'est un mot du beau thème. Comment ça va tout le monde? Moi, je vous promets que je parlerai pas de lutte. Parce que le seul contact de lutte que j'avais, c'était avec Toto, puis j'étais son technicien à la lutte pour les nuls. Hey, bien, écoutez, là, de la marde, mais de la marde, là. C'est la pire lutte que tu peux faire écouter à quelqu'un, ben, il a tout vu. Ben, pour moi, j'aimais ça, parce que c'était un bon moment pour moi pour méditer. T'sais, rentrer dans mon intérieur, faire le vide complètement, juste peser sur des pitons, c'était correct. Puis poser une ou deux questions, il se fait pas mal, là. Genre. Je parlerai pas non plus de Jaigra Gonzalez, sincèrement désolé. Fait qu'on... La barre est... Je veux pas aller plus. Ils sont over. Benjamin, bonjour. Salut, Ben oui, ça va bien, toi? Ouais, tu sais que mon coloc, c'est Julien. Ouais, il n'arrête pas de se parler de toi. T'es la taupe, toi, ici. Ouais, ben... Est-ce que... Je te dirais que c'est inversé. C'est pas, là, il habite avec. Fuck, le pire, c'est que j'avais jamais fucké d'allumer... Décaliste! Je C'est sûr que oui, c'est ça qui est le pire. Je tiens à vous rassurer que Julien s'en calisse beaucoup, beaucoup. Oui, parce qu'on parle pas. Mais là, on parle de lui. Fait que là, il s'en calisse moins. Ouais, il s'en calisserait pas autre chose. On devrait live tweeter qu'on parle de lui. Ouais, mais c'est ce qu'on fait. Je pense, ben, on est en train de Facebook live. Fait que s'il y a quelqu'un qui regarde le Facebook live, ben. Taguer Julien Bernard. Taguer Julien en disant, hey, on parle de toi. Là, on arrête de parler de lui à partir de maintenant. Ben, c'est fini, moi. On devrait être chaud. Comme certains qui suivent mon Snapchat savent. Ça, on parle de combien de monde à peu près? On parle de combien de monde à peu près? Ben, ceux qui suivent savent que je poste rien sur Snapchat. Okay. Ben, faut aller ailleurs. je me suis acheté deux rats. Ah oui, oui. Ouais. J'en parlerai pas aujourd'hui. Je prépare ça pour plus tard. OK. Fait aujourd'hui, ta chronique, c'est la liste des choses dont tu ne parleras pas, c'est ça? Non, j'ai une vraie chronique, on s'en va mal. Il fallait que je trouve des noms. fallait que je trouve des noms à mes rats. Ben oui. Je me suis. Ben, c'est important. T'es-tu en train de pas en parler, là? Ouais. Et étant donné que je savais très bien qu'on se rapproche dangereusement du jour de l'an du campeur. Oui, oui. Et qui dit jour de l'an du campeur dit une année qui passe. Qui dit une année qui passe dit des noms qui ont été donnés l'année passée, en 2016. Ouais. Donc, c'est un gros égoïe. Les noms de l'année. Ça, c'était ton intro vers les noms de l'année. Oui. J'adore ça, c'était marrant. Alors, j'ai une liste. En d'autres mots, j'ai une liste. De nom qui a été donné à des enfants, à des bébés, en 2016. Donc, la liste des noms qui sont, on s'entend, un petit peu weird. Louche, là, ouais, c'est ça. Je voulais faire les filles et les garçons. J'ai vraiment beaucoup trop de filles. Fait qu'aujourd'hui, ça va être les filles. Un moment donné, ça va être les garçons. Ça va s'en venir assez vite. C'est correct. Entre deux rats. C'est correct. Du sexisme envers les gars, c'est pas grave. Non, ben, c'est parce qu'il y avait vrai. Il y a beaucoup de matériel. C'est correct. Fait qu'on va commencer. Donc, 2016 a été une année fertile en noms weird. Pour les filles, on va commencer par les royaux. Donc, on a Queen Divine. On a Princesse Sophia. Princesse Sophia, c'est son nom? Là, je tiens à dire, c'est des prénoms. Donc, c'est Princesse Sophia Tremblay. Rachetez Tremblay à la fin. Et on est en 2017. Donc, généralement, vous rachetez Tremblay La Fontaine. Au moins deux. La reine, tout simplement. L'adresse du Guillon Reine? Non, la reine. Ah, en un seul mot. Elle majuscule à reine. La reine. Hey, dans un mot. Le secondaire va être le fun. Hein, Dahlia Princessa. Et Lady August. Lady August? Ah, il m'en manque un. Noblesse Saint-Rabat. Non, je ne crois pas, je te jure. C'est l'enfant. Je tiens à dire que la liste que j'ai dans les mains, je suis allé directement sur le site de Québec. C'est très vrai, là. C'est le registre. C'est oui, c'est oui, juste au Québec, ben oui! Juste au Québec, désolé. Il est beau, mon peuple. Alors, j'ai la liste des vieux prénoms. Donc, l'année passée a été une année fertile en vieux prénoms. Donc, on a les Sylvie qui reviennent, les Noëlla, les Monique, les Lucille. Janine. Il y a des Moniques dans votre 2 ans, je crois. En bas de 2 mois, on a 3 mois. Mais... Antoinette. Ah, oh, ouais. Mm-hmm. Hey, ça, c'est pas facile, je te dis. On leur souhaite bonne chance. Victorine. Ah, oh, ouais. On a bien sûr les classiques Yvon et Yvette. Il y a des Yvonne, excuse. Il y a des Yvonne en bas de 3 mois. Ouais. Thérèse. Ben, c'est ce que je pense, j'espère. J'ai vite 2 mois et demi pour l'appeler Simone. Simone? Voilà. Ah, mais Simone, c'est beau. Ben, merci. Non, mais c'est parce que. C'est pas parce que. C'est pas ça, juste parce que je veux pas me faire penser à la gueule, là. C'est pas parce que t'es un lutteur et que t'es juste à côté de moi, là. Ça va pas rapport. On a Thérèse. On a Lucienne. Lucienne. Madeleine. Ouais, ça, c'est pas grave. Isolde. Oh, ça, c'est vieux. Ça revient, là. C'était temps, là, ça attendait. Hey, ça fait 300 ans que ça attendait d'apprenir. Je pense que son frère s'appelle Tristan. Ça serait vraiment. Ça serait, ça serait vraiment. Je dirais que son frère s'appelle Tristan. Ça serait vraiment une bonne. Tu sais, puis c'est des frères et sœurs jumeaux, là. Oui, c'est ça. Hortense. Hortense, on a. Hortense? Oui, oui, oui. Guylaine et Ghislaine, bien sûr. Mais Ghislaine, on a mis une twist 2016, désolé. Ah, On a mis un Z à Ghislaine, donc. Hein? Au lieu du S. Ben oui, c'est bien plus cool. Fait que c'est Ghislaine. Ils ont dit laissé le H? Oui, le H. Ouais, c'est peut-être ça, ah, c'est Ghislaine. Ah oui, c'est beaucoup mieux. On a Fernande. Muriel, on voit qu'on a un fanatique de Fernande ici. Joanne. Et c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas vrai. On finit avec un duo. Fait que Eugénie Éléonore. Donc son nom c'est Eugénie Éléonore. Elle a les deux noms? La Fontaine. Elle a deux noms, ça fait cinq syllabes. C'est beaucoup. Alors, on a les lieux. Les lieux, donc on a, je vais faire vite. On a Genève, Everest, Doha. Everest. Bristol, Argentine, Sixtine et Hollande. On a bien sûr, et ça c'est une section que j'aime bien, à part mon autre section qui va être autre. les qualificatifs et les vertus. Ouais, ok. Là, on a une belle suite. On a Sweet Stephanie. Attends. Moi, je suis un câble. Tu m'expliques. Là, tu es en train de me dire, en ce moment, il y a une petite fille au Québec, dans pas de 3 ans. J'ai déjà son nom de pornstar. Qui s'appelle. Voilà. Ça, on appelle ça. Power prévoyant. Elle, tu sais que ça, s'en va dans la pornographie ou danseuse, elle va s'appeler Georgette. Ouais, c'est ça. Ils vont jamais me reconnaître. On a Suzy-mal, comme le mal. Ah oui, parce que ça, ça sera pas niaiser au secondaire du tout. Hey. On a succès, ou success plutôt, je pense que c'est en anglais. Ouais, c'est success. Sûr que c'est en anglais. On a sagette. Sagette? Ouais, c'est comme sage, mais en fait. Ça. Ben, c'est comme, ou comme sage, mais juste un peu. Une sagette. Sagette. Sagette. Un petit sage. Il y a ici la petite sagette. On a Majorie. Dans un mot. On a Lovely Cecilia. Un autre. On a Malicia. Tu sais, imagine, elle veut devenir mécanicienne, la fille, dans la vie, tu sais. On a Shady. Moi, j'aime ça, Shady. C'est ça, c'est pas dit qu'elle est mec. C'est ça ben, elle va donner grosse par défaut. Ça veut pas se faire écœurer. Hey, c'est real shady. On a ma belle shady. Diamant, donc ma belle-diamant. Ouais, mais c'est même. L'accord est même pas. Il y a une faute dans ton nom, fille. Ouais, mais c'est une fille. Tu vas pas l'appeler mon beau diamant. Mais non, mais... ma belle diamant. Parce que, t'sais, ouais, mais... mais trouve une bière qui est la logique. Monde, calice, voyons. Ouais. Il y en a, ça s'en vient. Loyalty. What's wrong with you? On a Sunshine Benny. Oh. On a Fate-Miracle. Fait que Fate Miracle. Il était vraiment sûr de ne pas l'avoir. Elle l'a eu. Elle, ouais, c'est ça. Elle, tu le sais qu'ils ont travaillé fort pour l'avoir. Ça, c'est un autre album. Ouais, bon. Ou c'est le. Ou c'est le stérilet qui a percé le condom. There's just no way. On a Joyeuse et Happy. Donc, Joyeuse et Happy. Dans le même nom? Non, c'est deux personnes. Ok. C'est deux petites filles différentes, Joyeuse et Happy. J'espère qu'ils vont à la même école. J'espère que non. On a Félicité d'or. Oh non! La Félicité d'or! On a. Non, j'ai laissé l'intelligence aux gens de cacher. On a Favor. Fait que là, je sais. Tu rajoutes un L, c'est Flavor. J'aurais aimé ça. Moi, j'aurais appelé Flavor. Non, mais Flavor, would you do me a favor? Non, c'est ça, ça en est un autre. Ouais. On a exaucé Colombe. On a Harmonie Sophie. On a Heavenly. Heavenly, ouais. On a L'amour à tout, Selma. Quoi? Attends, faut que je lise celle-là, je comprends pas. L'amour à tout. Salma. L'amour à tout. C'est dans un mot, gars. L'amour à tout. Salma. Ben oui, c'est même pas une joke. Non. J'ai vécu sur une feuille, c'est vrai. Non, mais vous pouvez tout aller sur le site. Je vous dis, ouais. Là, taper registre 2016 des prénoms. C'est primé sur le site Québec, c'est officiel. Ouais. On a la joie dans un mot. Ouais. On a critica. Oh! Avec oh. Des cas. Partout. Fait que c'est pas vraiment une critiqueuse. Elle critique pas, c'est critique à cas. Des cas. On, ouais, a, mais... on a Chloé Louange. On a Karma. Because, il y a Justice après. Justice. on a I love, donc I tire love. Hi, my name is Justice. Is my, here's my wife Karma. Non, c'est deux filles. Ben, ils peuvent se marier. Ils ont le droit, ils peuvent se marier. Puis l'an prochain, ils vont avoir le droit de fumer, tu potes. Okay, ben, et voilà. On a Espérance Françoise. On a Épiphanie. Et nos deux derniers de la catégorie, on a Love Stéphael et Amérie Bless. Amérie Bless? Amérie Bless. Toto! Là, on va aller vite dans. On va aller vite dans les vedettes. Là, c'est la catégorie vedette ou presque. Donc, on a. Dans. Oubliez pas, c'est des prénoms. Donc, Sophia Loren. On a Norma Jean. On a Taylor Elizabeth. On a Axel Rose. On a Charlotte Zappa. Attends, mais attends, t'es pas toujours au Québec, là. Oh, oui, oui. Ouais, c'est juste au Québec. Fait qu'il y a une Axel Rose, genre Dubé. Oh, Tremblay. Tremblay La Fontaine. On a Katniss Maël. Oh, non. On a, écoutez bien, Beyoncé. C'est pas Beyoncé, c'est Beyoncé. On a Khaleesi. Il pourra pas me poursuivre. Ouais. Ouais, on a Khaleesi. On a Jem, mais tu sais, Jem, genre Jem, c'est la passion rouge. Avec un J. Ouais, avec ses hologrammes. On a Jazz. Tu sais, ça voulait me faire comprendre, les hologrammes, puis t'as chanté un bout de la tourne à la place. On a Mélania, parce qu'elle mérite d'avoir du monde, elle est appelée à son nom. Ouais. On a une petite section qui est à boire. Fait que dans à boire, on a Mariem Soda et Margarita, tout simplement. Ouais, ouais. Et ma section préférée, qui est la section autre, on va aller assez vite là-dedans. Donc, on a. Non, c'est pas vrai, on a la section nature, les naturels. Désolé. On peut aller vite là-dedans aussi. Fait que dans les naturels, naturel, c'est tout ce qui touche la vie, la nature. Fait qu'on a les perséides, on a pensée, on a miel, on a cerise, on a cidra, on a maple. On a pastille, on a promesse. Ça se peut pas pastille, ça se peut pas. Je te jure. J'aimerais te dire que non, en effet, c'est une blague. Tout ça est une blague, mais non. On a Chelsea, pas si Chelsea. Chelsea, mais comme écrit, un envers, ouais, okay. Écrit comme un Chelsea. OK. On a Louvre, on a Lyric. Lyric. Ouais, exactement comme ça. On a Jupiter, on a Azur, pour bien sûr. Les trains sont tapés. Oh, ouais, c'est juste c'est ça que ça veut dire, Azur, les trains. C'est juste ça que ça veut dire. On a Emerald avec un S. Donc, il y a plusieurs émeraudes. On a Equinox avec un K. Ah! C'est beau, ça! Parce que c'est cool. Ouais. Et pour finir, on a Brèche-Ida Neptune. Quoi? Brèche-Ida Neptune. Et pour finir, la catégorie Aude. Autre, désolé. On ça prend un permis pour aller à la pêche, hein? Pense à ça. Alors, dans la catégorie Aude, on a Ward comme prénom. On est toujours dans les filles. Ouais. Sephora. On a Yushi. Oh, vraiment, U-Y-O-U-Chi, comme chier. Hey, Yushi! Hein? On a Yo-Yo. T'es un accident. On a. On a. J'ai besoin de te le dire. On a Hugo Iris Maël. Hugo Iris Maël, c'est son prénom. On a Yaël Henriette. On a Wood Cathy. On a William, beau nom de fille. Pourquoi c'est... Ah, ok, ouais, pour les filles. Je sais comme pourquoi c'est correct. On a Vachy. On a Tranny. Tranny? T-R-A-N-Y. On a... Oh, that's gonna be a long damn life. On a Tigida. Tigida? Et ça se dit, ça s'écrit comme ça se dit. Là. Pis ta date, ben c'était bien Tigida. On a Saint-Tiche. S-Y-N-T-Y-C-H-E. Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Je suis au festival de Saint-Tiche. C'est le fun en tabarnak. On a Stibaella Dalunedge. On a Sephora Kyle. On a Savannah Sapina Kitty. Wow! On a Salsa Bill. Salsa Bill. C'est clairement des mères de 16 ans. Il y en a beaucoup, surtout précédemment. Tout ce qui touche, genre, comme le bonheur, etc., c'est clairement beaucoup d'Haïtiens. J'ai l'impression. Beaucoup d'Haïtiens. Je suis sûr que je ne suis même pas raciste. Là, non, mais c'est sûr, j'ai l'impression d'écouter une game de basket. Là, c'est... On a Rosanie Berlinda. Rosanie. On a Pixie Violette. On a Prunille. On a Marvin's Edouard. On a Marvin's. Edouard. On a Lilia Lili, donc Lilia-Lili. On a Eben Ezer, donc Eben Ezer, mais Eben-Ezer. Comme dans Scrooge. Comme dans Scrooge. Comme une fille. Et dis... pour finir, donc, enfin, cette longue liste, c'est Amber Chat-Charapon. Alors, c'est tout, c'était ma liste. La liste des garçons devrait venir prochainement. Ouais, bien, donc, merci à vous tous de votre patience. Et déjà, mesdames et messieurs! Hein? Hey, ça en passe-tu des affaires? Je te parlais de mon fils Jean Yolo, justement. Jean Yolo? Jean Yolo Corbin? Jean Yolo Corbin, ben oui, ça fait. Ouais, c'est magnifique. Ouais, enchaîne. On enchaîne! Enchaîne! 2, 3, 4! Ah, un autre personnage, on va avoir du plaisir. Moi, j'adore ça, les ça personnages. Ça revient, les ça, on ramène ça, les ça personnages. C'est un hommage à l'évêque qui est sur le corps. Ok. Je t'écoute, mon OG ici. Rondo. Rondo. Rondo. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Ouais. Hey, tu peux-tu dire à Jonathan Simon d'arrêter d'aller pisser pendant mes chroniques? Ouais, je sais, il te manque tout le temps, il arrête pas de te manquer. Ouais. Ça s'est demandé comment ça se fait qu'il est jamais là. Hein? Alors, laisse-le tranquille. Ouais, il a besoin de solitude, des fois. Alors, ben, c'est vrai que je travaille sur un nouveau crossover, je vais en parler rapidement. C'est un mélange de Chuck Tsui et de Lance Comte. Oh! Puis, je vais vous expliquer. C'est un crossover qui explique, entre autres, pourquoi les personnages de Nounou et de Jean-Maurice Gagnon dans Chuck Tsui ont exactement la même face. Puis aussi, pourquoi... Attends, parce qu'on les a perdus. C'est le même comédien! Ça va être à l'examen, ça aussi. Non. Et ça explique aussi pourquoi que subitement Marc Labrèche est devenu Guy Jodoin dans Chop Suey. Ça c'est vrai, parce que ça c'est pas le même comédien. Vraiment. Énormément d'égo. Ça va très bien, non? Ça va très bien. C'est le même personnage et pas le même comédien voilà, contre deux personnages interprétés par le même comédien. C'est compliqué, on va y perdre. Hein, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. La dualité de l'homme, tout. Là, bon? Ok. Sinon, cette semaine, j'organise une manifestation dans les rues de Montréal pour amener le téléroman Super Samplon sur les ondes. Je suis tellement là. On a besoin de voir cette sympathique télésérie qui se passe dans un garage. Là, je vais avoir besoin de bombes lacrymogènes, de photos 14 par 17 de Julien Poulin puis d'un gros panda. Non, en fait, c'est ce que je veux faire, c'est essayer de recréer un genre de printemps érable. Je vais appeler ça l'été sans plomb. Ouais. Je sais qu'il y a une vidéo à passer. Il y a des environnementalistes qui vont se joindre à ça et qui vont se demander qu'est-ce qui se passe. C'est sûr. L'été sans plomb. Il y en a qui vont demander, par contre, pourquoi on a la place d'organiser une manifestation qui peut facilement engendrer de la mortalité, des émeutes et toutes sortes de choses. Tu demandes pas directement un coup de main à Fabienne Larouche. Toi qui a des contacts avec Fabienne. Je la connais, toi Fabienne, t'es de même, hein? Ben oui, je l'ai invoqué. Ah! Elle t'est apparue? Ouais, ben tu sais, tu dis son. Tu t'as une photo, ça te prend une photo de Chantal Fontaine. Ouais. Pis faut que tu sois devant un miroir pis que tu dises Fabienne Larouche trois fois. Ok. Donc, pis c'est ça. Ça prend-tu un poulet mort aussi? Des fois, ça prend. Non. Pas besoin non. de. Juste une mauvaise idée. Faut que tu fasses brûler la photo, par exemple. Faut que tu fasses brûler la photo. Ah, ok, c'est ça. Je savais qu'il y avait une réaction chimique nécessaire. Une là, elle apparaît-tu? Elle apparaît-tu? Mais non, c'est parce que pas bon, concernant Super Samplon, c'est parce que j'ai déjà vendu mon arme l'année passée pour revoir Majeur et vacciné. Ah ben là, ouais. Fait que là, je peux pas comme avoir... Fait que t'as besoin d'une arme, c'est ça que tu dis. Ouais, c'est ça, mais là, c'est parce que ce qui arrive aussi, c'est que j'ai peur de provoquer la colère de cette entité démoniaque-là qui est Fabienne Larouche. Ouais, il faut pas faire... Parce que, tu sais pourquoi qu'on voit plus autant Martin Drainville pis Mario Jean, hein? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont fâché Fabienne Larouche pis elle les a transformés en serpus à rien. Tu sais, les annonces que tu vois à TV, là, ça, c'est leur look dans la vraie vie, là. C'est pas du montage, là. C'est ça qui arrive, puis moi, j'ai pas le goût de devenir un lecteur non, bêta. Je comprends. C'est noble, en fait, comme requête. Sinon, mais ouais, mais niaise pas trop avec Fabien Larouche, pour vrai. Ouais, non, non, je... Fais attention. Ah, faut tout... Non, non, mais faut faire très attention avec Fabienne. Il y a déjà une taupe, ça, fait qu'il va en avoir un autre. Un autre, ok, mais ça, c'est bon. Le coloc de Fabienne Larouche est ici, c'est ça que t'es en train de dire, hein? Ben, je suis le coloc de Fabienne Larouche aussi. Faut que je le savais. Wow! Hey, ça doit être le fun les samedis soirs chez vous. Andy, je l'ai vu votre appartement, pis there's no way Fabienne en rentre là-dedans, man, c'est ça. Ouais, moi aussi je l'ai vu, pis there's no way. Hey, sinon, ben j'ai préparé un petit quiz pour finir ma chronique. C'est parce que là, je suis en train de réviser mon fanfiction de 30 vies, pis j'essaie de trouver des patois à chacun de mes personnages. Attends, c'est la meilleure phrase au monde! Non, mais c'est parce que t'étais pas là, toi, des semaines avant. Là. Non! Et tu as fait tes épisodes, putain! Ah, c'est malade! Hey! C'est quoi la meilleure chose que t'as entendue dans toute ta vie, grand-papa? Un jour, il y a un gars qui m'a dit: je suis en train de finir le fanfiction de 30 vies. Oh, c'est parfait. Là, ben, je suis en train de me rendre compte qu'il manque des patois à mes personnages. Ah, ouais, ça, c'est important. S'il y a une affaire que Guy Fournier m'a écrit dans la vie, c'est que c'était bien important, des patois. Ah, ouais, les patois, c'est essentiel. Alors, je vais vous faire apprendre certains patois. Devinez à qui appartient le patois. Moi, tous les avoir. Ouais, t'es bon là-dedans, toi. Bon, on commence par un facile, Austin Beau. Ah, arrête. Ouais, c'est un facile. Ah oui, c'est facile. Les héritiers du bal. Les héritiers, ben, jamais deux sans toi. Et ouais, c'est ça, c'est. Rémi Duval, c'est ça que je cherchais. Rémi. Je le savais. Toi, tu savais quoi? T'as-tu remarqué que Guy Fournier, il se fait apparaître la face dans tous les génériques d'émissions? Je sais. C'est le même qu'on sait que c'est du Guy Fournier. Parce que le générique, il va bien, puis à un moment donné, tu fais « Puis là, « Ah, c'est un dernier moment de Guy Fournier! » J'avais oublié. Citron! Ben, il y en a deux, là. Ben, Virginie, puis Geneviève, dans Bibi Jeunet. Exactement, voilà. Bonne réponse. Virginie aussi, pas lui. Never forget. Sinon, Pinot. Chop Suey. Marcel Lebeuf dans Chop Suey. On a des connaisseurs de Chop Suey dans la salle. Puis c'est drôle parce que quand Chop Suey a fini de jouer, Simon Portalard, ses parents ne connaissaient pas. Ils se connaissaient pas entre eux autres. Mais lui, il sait c'est quoi? Chop Suey. C'est pas rire. Un petit toasté des deux morts. Ah oui, c'est Yves Desgagnés dans l'hôpital. Oui, et d'ailleurs, j'en fais une très bonne imitation. C'est une très bonne réponse, Toto. Bravo, je suis fier de toi. Hey, moi aussi, je suis capable de l'imiter. Sinon, Étole. Étole. Ma mère! Ah ouais, tu disais ça? Ta mère, c'est pas un téléroman, c'est ta vraie cuisine! Étole, je sais. C'est Serge Thériault dans Jamais 200 toi. Oh tabarnak! Wow. Oui, il était là-dedans, il jouait une tapette. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Non, mais c'est Guy Fournier! C'est Guy Fournier! C'est pas moi, c'est Guy Fournier. Bon. Il y a plein de beaux épisodes avec lui dedans. Ouais. Ouais, dont un où Jean Bessirier se demande si c'est correct que Serge Thériault s'occupe de son kid. Ouais, parce c'est ça, qu'il est gay. Il va fort en plus. Les gays, tu sais, de coup a, avec les enfants. Que... Hein? Ben, déjà, hein? Tu sais, comme tu respires de l'air de gay, puis le moment donné, tu deviens gay déjà. Fait que c'est pas correct. Guy Fournier, là, monsieur. Guy Fournier. Ben bitch. C'est l'héritage encore. C'est Miville. Oui, c'est Miville dans l'héritage. Et finalement, le shit. What? C'est Guillaume Lepage en RBO. Oui, mais pas juste. C'est quoi le chambre en c'est quoi lui? Ben, c'était. Moi, je disais Francis Rédé dans Chambre en ville, aussi. Mais c'est. Aussi. Il y a beaucoup de bonnes réponses à ça parce que beaucoup de monde dit ce mot-là. C'est un patois assez commun. Ouais, il y a quand même. Eh ben, merci beaucoup. JC, mesdames, messieurs! On remercie aussi Joe Simon pour des raisons absolument non reliées. Voilà. Parce qu'il réalise le show à soir. Ben ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est un des. Ouais. Et on remercie aussi Yves Desgagnés parce que Je sais pas, on en a parlé beaucoup. Ouais, pour l'ensemble de son œuvre, voilà. C'est on ça. Est. Hein? OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça? Ouais. OK, t'avais-tu une question, toi? Ben, à date, moi, ça va. Attends, je vais t'en poser une. Ben, vas-y. C'est ça? Attends, oui, quoi? Oui. Ça ressemble à ça! Oui, c'est ça! C'est bon, on est bien. C'est bon. Ah ben, on s'en retourne. Oh, tabarnak! Ah, boy! Ça, c'est bien, Anastie, ça. Mmh, ça, j'aime ça. Éjaculé, ça, c'est vraiment terrible. Des résidents d'un bloc appartement de Decatur, en Georgie, ont dû... Mais attends, c'est pas juste ces états-là. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, surtout? On t'a appelé le 911 afin de sortir de chez eux après que les propriétaires du bloc appartement aient retiré le seul escalier menant au deuxième étage. Alors que certains locataires avaient reçu une lettre leur annonçant les travaux imminents, d'autres se sont simplement retrouvés coincés au deuxième étage, incapables de sortir de chez eux. Les propriétaires nous assurent que les résidents recevront une compensation. Pour les jours où ils ne pourront pas habiter dans leur logement, bien sûr, au deuxième étage, parce qu'ils ne peuvent pas descendre. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ils ont littéralement pas eu le mémo. Ils n'ont pas eu le mémo, exactement. On s'en va tout de suite à la bonne nouvelle, 70%. Et plus près de la maison maintenant, le gouvernement canadien a récemment modernisé son code criminel afin de retirer des éléments plus archaïques. Le nouveau code a entre autres clarifié et renforcé ce qui constitue une agression sexuelle, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Non, hein. C'est bien sûr le retrait d'une loi stipulant que de provoquer quelqu'un en duel est illégal. Ce qui veut dire que je peux maintenant faire ça. Attends! T'as eu le droit de faire ça, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir le duel? Ben, je pense que oui, là. Ben, let's go, motherfucker! Attends, mais tu me snaps. Ouais, c'est ça. Ah, il a accepté! Okay. On, d'habitude, il faut donner une faut certaine date après le ouais, Google Calendar. Ben, d'habitude, je vais t'envoyer. Aimez-vous ça maintenant! Ouais, non, c'est ça, genre, on va faire un event, là, pis... Non, on va faire un event, aussi. Il y a tellement de momentum, hey, on peut pas faire ça, là. If you're good at doing something, don't do it for free, man. Fait que c'est tout ça? On a-tu fait le tour de qu'est-ce que vous aviez envie qu'on fasse un duel sur ce stage-là? Ok, c'est bon. Ouais, c'est fini, là! Le moment, il est mort! Le momentum est fini, le moment, il est mort! On l'a tué, c'est bon. Et on termine en Mozambique, où deux jeunes hommes dans la vingtaine ont été arrêtés après avoir tué et démembré 5 hommes. Il semble qu'ils les auraient tués parce qu'ils étaient chauves. Ah. Et qu'une superstition propose que la tête des hommes chauves est remplie d'or. D'où ma question. 5 hommes? Parce qu'ils ont pas checké la première fois? Ou ils apprennent vraiment pas vite, ou ma tête est pleine d'or. Mais c'est ça. Moi, comme j'ai le doute, j'aimerais raviver l'idée de duel qu'elle est. Je sais. Chris, ça, hein? Je suis mis dans ce tournoi. Un duel! Un duel! Vous m'enverrez tout votre courriel, ça va être un e-bite. Ça donne cage, on va faire ça à IWS avec des néons et tout le reste. Yes! Ça va être malade. J'ai des contacts, les boys. Ouais, pis s'ils sont intelligents, ils vont jamais te faire. Ah, tu pourrais te souffrir. C'était ça, Bruno? C'était ça! Bruno Gambin, mesdames et messieurs! Yeah! Écoutez, c'était ça, 70% ce soir. Êtes-vous content? Yeah! J'aimerais ça qu'on donne une grosse main d'applaudissement à Benjamin Todd, s'il vous plaît. Écoute, c'était un plaisir, c'était malade, merci beaucoup. On a les techniciens, ils sont super bons, il faut leur dire, ils sont bons! Yeah! Yeah! Je les nomme pas tous pour deux raisons, je connais pas tous leurs noms, ils sont pas syndiqués. Bon. Fait que c'est ça, fait que là on va changer le stage et on a G.S. Godette qui vient d'arriver, Kevin vient de partir. Non, non, faut garder le kayfabe. Exactement le mot. Kevin vient de partir et là, JS est arrivé. JS nous a préparé une playlist ce soir, tout en lutte et en Van Damme, si j'ai bien compris. Hein? Tout en lutte et en Van Damme. Parce que Van Damme, il était supposé jouer le prédateur. Oui. Mais il l'a pas eu parce que. Parce qu'il était trop poche. Hein? Ben oui, il n'y a pas de problème. Alors voilà, c'est sur ça. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Ouais, ben, je voulais juste rajouter de suivre la NSPW sur Facebook. Ils sont à télé, eux autres. La NSPW, c'est à ma télé, mais juste dans la région de Québec. Okay. Mais là, la saison est terminée. Suivre à l'évolution, je vous demanderais d'encourager le produit québécois de lutte. Plus autant que possible, écoute, c'est... Ça fait une bonne... C'est, écoute, c'est impossible de passer une mauvaise soirée dans un show de lutte, c'est impossible. Ça coûte pas cher, puis c'est divertissant, puis ça fait une belle soirée. Puis on peut me suivre aussi sur Facebook, Instagram, Twitter, Benjamin Tull. Ça, faut aimer les photos de nourriture. Yes. Ouais. Merci beaucoup. Voilà! À mon hôtesse que j'aimerais qu'on remercie pour sa délice d'ailleurs. Monsieur Jean Sébastien Rolette! C'est une playlist on ne peut plus pointue. Il fallait savoir, il fallait être un peu au courant. Mais comme j'ai dit plus tôt dans la soirée, je suis pas ton père, les affaires de base comme la lutte, t'as rien qu'à aller t'informer, c'est pas savoir. Alors. T'as quand même trois lots, on fait avec celle-là, on va faire celle-là au milieu, ouais, mais on en fait juste trois parce que c'est ok de même, ok? Non, ça c'était trois lots. Ouais? Okay. C'est ça, exactement. Fait que là, on commence, moi je vais commencer avec ça, ok? Ça, ça. Ça, on finit avec ça. Excusez, aimez-vous ça des réunions de pré-prod? C'est cool, hein? C'est comme behind the scenes, ok? Fait que, mais non, finis avec ça. C'est quoi le sens du. Fait que, comment c'est que ça va? Bon. Hey! Y a-tu? Attends. Non. Théâtre. Est-ce qu'il y a des fans de Star Trek dans la salle? On va le faire. Moi, je suis en train de travailler sur un livre en fait qui va s'appeler Encanteur dans l'adversité. Puis là, c'est un bon exemple. Alors, on a deux systèmes reliés à Star Trek, notamment un sambon de voiture en forme de main de Spock. Toi qui pensais, toute ta journée aujourd'hui, tu t'es promené en disant « Ma vie est complète, ma vie est complète. » Mais non! Ta vie est très complète. Surtout que ça vient avec... C'est quoi? Une pile de Capitaine... La pile de Capitaine Kirk. Oh, parle pas de son pénis, là. Oh, grave, non. Comment elle dit? Où est-ce donc? Fuck. Oh, fuck! Oh, quand même beau, ça! Oh, shit! Ben oui, ça a doublé de valeur, hein? Ça partait à combien? Ben là, ça partait pas bon, mais ça partait là. Non, mais à combien, mettons, ça partait? Non, mais mettons! 50! Toi, tu disais, ça partait à... 5 piastres. À 5 piastres, ça a doublé de valeur. Fait que là, j'ai 10 dollars, mais quoi? Oh! Non, ok, non, c'est joke. Non, mais 5, j'aime ça, 5 dollars! C'est 5 dollars, come on! 5 dollars, une fois! Ah ouais, y'a vraiment pas de fan, en fait. Non, il y a personne, il y a rien. 6! 6 dollars! Wow! 6 dollars une fois! Ah, j'avais le compte, je te laisse, c'est bon. Attends. Non, c'est correct, je te laisse, c'est bon. Fais ton budget, fais ton budget, man. Ah, ils m'ont dit, showing the goods, man. Ça, c'était une chance unique. Toi, t'es le seul qui comprend ça, toi, est-ce que tu as. Attends, le sambon, ça fait pas la tête que j'ai vu avant. Le sambon, ça fait que j'en ai jamais vu avant. Pis j'en suis pas à mon premier taxi. Eh ouais. Hey, ça sent quoi? Édition collector. Ça sent le vulcain. Parce que là, je t'ai dit que c'est le résultat, mais je suis quand même rendu à 6$ deux fois. 8 dollars. 8 dollars une fois. 9 dollars! Oh! 9 dollars une fois! Fait que t'as pas si fort la tâche, c'est ça qu'on a. Ok! Ça se rend à combien? 2? 10 dollars! Ok! Ça arrive au moment. On a doublé la prise déjà. T'as doublé? T'es un prophète, man! Ok! 10 dollars une fois! Oh, il brisera pas lui! 10 dollars deux fois! 10 dollars! Oh, oh mon Dieu! Oh, le sambon! Le sambon! Bravo! Eh là, merci à toi. Live long and prosper! Oh! Ok, hey! Cette semaine, on a perdu quelqu'un d'important. Un peu moins pour nous autres parce qu'on était déjà, on n'est pas des vieux, est-ce, mais plus pour les vieux. On a perdu Adam West cette semaine. Oh. Oh. Juste ça, je ne l'ai jamais eu avant, mais là je l'ai perdu. Puis, fait que à cause que tu sais, Adam West comme Batman, t'as compris? On a perdu Batman. On a perdu Batman. Qu'est-ce que tu perds plus que Batman dans la vie? Oh non! Tes clés! Ça te prend des porte-clés de Batman! Et non, c'est vrai qu'on peut avoir l'affaire parce que là on est quand même filmé. Des porte-clés de Batman! Ouais! Oh my god! Fait que ça aux deux, ça part à combien? Deux! Deux? Ah ben deux, deux, ben. Mais tout de plus que ça, de toute façon. Trois! Trois! Ouais, quatre! Trois. Quatre! Cinq! Cinq! En fait, on est trois ce soir. Hey, moi je travaille avec qu'est-ce que j'ai. Oui. Cinq une fois. Cinq. C'est quoi en fait le prix? Ben non, mais là, suis dans l'air. Attends, pour 5 piastres, j'ai les tours. Pour 5 piastres, c'est les deux. Oh, non, non. Non, ouais, parce que celui-là, il est multi-tool. Multi-tool, damn. Mais je crois qu'on est rendu à 6, hein? C'est un décap, ça? Oui, ça fait tout ce que tu veux, man. Attends, 6? Dis-moi 6. 6 dollars une fois! Attends, ça fait double! 6 dollars deux fois. En plus, t'as deux tournevis dessus. 7 $7 Non, j'irai pas plus haut. Les gars, allez-y un peu. Les gars, est-ce que vous avez vu la beauté de l'objet? Hey, sérieusement, vous deux, vous devez sucer au poker, man. Vous devez sucer au poker. 7 $ une fois! Hey! Ça, les deux tournevis, c'est sûr, en plus, c'est sûr. Mais hein? Prends tu débit? Ouais. Ça s'arrange. 20! 20! Oh! Hey, pour 20, là, tu me passes un kill, là. Y'a pas de problème. 20 $ une fois! Non, mais c'est parce que le 20 $ là, c'est une quantité impressionnante de repas chaud. Je sais pas si. Tu vas dire combien? 2 mettons? 20 $ deux fois, mettons? Ah ouais, même 21, ici, on parle. 20 $ trois fois vendu! Ça, on va mettre là, on va voir. Je sais pas comment ils vont faire, mais on va s'arranger. Ça, c'est hot, ben, ici, hein. Ok, il y a une affaire qui approche, hein, mais que les gars. Ça, c'est pas. Tu vas pas apprendre ça en regardant TVA, man. Ils te le diront pas dans le journal à Montréal, mais l'apocalypse de zombies, elle s'en vient. Puis. Quand elle va arriver, là, tu vas avoir besoin de deux choses. Tu vas d'abord avoir besoin de tes dog tags qui certifient que tu es un chasseur de vampires, de zombies. Et tu vas aussi avoir besoin de ton kit à déjeuner de zombies. C'est-à-dire le truc pour faire ton œuf à la coque zombie. Okay? Et ça, là. Il y avait ça, un toast cutter. Ça, c'est. Tu fais une toast, maintenant. Tu prends ça, puis là, tu presses sur ta toast. Puis là, ça te découpe des petites arbres en toast, OK? Puis là, tu peux les planter dans ton œuf à la coque zombie. Puis là, ça fait pareil comme sur la photo. Qui est peut-être plus considéré comme un dessin qu'une photo. Ça, c'est des dog tags. Hein? Moi, j'ai pas besoin de vous vendre sur les bienfaits du dog tag. Ça identifie le corps si jamais il y a un problème. Puis ça fait ding-ding quand tu bouges, ce qui est toujours bon. Si t'as des chats que t'aimes pas, puis ça pousse avant qu'il arrive. Il y a celle-là, mais il y en a une autre boîte avec un autre père parce que t'as besoin d'un partner. Quand t'as besoin d'être deux, au moins deux. Tu les dog tags de Jim Hopper? Non, c'est... Ça, c'est une référence que je comprends en bas. Mais voyons! Zero Zombie Emergency Response Operations. Voilà. OK. Alors, ce sont des objets. Ils sont faits en matériaux réels. Ça part à 3$. Et 3$? 5! Elle est prête pour me dire. 5$, une fois! Hey, 5$ deux fois. 6! Lui, il a comme le sens du spectacle, mais presque. 7! 7$ une fois. 7$ deux fois. 8! 8$! 8$ une fois. 8$ deux fois. 8,50! Oh! Ça! Après, man, live and learn! Ça, c'est le sens du spectacle! 8,50! Non, mais 50, pas le, on va arrêter de le dire, parce que sinon, si on a pour rien les bouts. Non, non, non. 8,50 une fois! 8,50 deux fois! On veut des photos! 10$! 10$ une fois! Attention! Mais là, mes déjeuners en famille! 10$ deux fois! Le déjeuner zombie! Mes filles s'est rendu en cuisine des heures! 10$ trois fois vendu! Wow! Et c'était ça l'enquête ce soir du content? Ouais! Les gourmets? Ouais! Aimez-vous s'engueuler pour la rien? Ouais! Ok, à chaque fois que je mets mon micro dans ta face, tu gueules pour rien, vite! Ouais! Ouais! Ouais! Ok, j'aime ça. Ok. Alors, la plâtureuse Jean-Sébastien, vêtue de sa magnifique dresse de face, pour la personne dresse de face, il va se promener avec la boîte de douteux parce que nous sommes un organisme à but non lucratif. Ça, ça veut dire qu'on est. Oh! Oh! Donc, c'est ça. Les scrap dinners, c'est pas super cher. Fait que, aide-moi parce que, anyway, tu travailles chez Ubisoft, pis t'as les moyens de m'aider. Bon! Ça, là, on a un humoriste. Vous allez l'accueillir comme il faut parce que sinon je vais me fâcher. Mesdames et... Ben oui, non, c'est vrai, parce que c'est important. On l'écoute, on l'aime. Mesdames et messieurs, Guillaume! Dont j'oublie la famille. Ça me rappelle trop de présentation. Alright, le public de douteux, est-ce que ça va bien? Ouais! Yes, hey, c'est nice. Je pense que c'est la première fois dans ma carrière que je peux dire le public de douteux sans insulter personne. J'ai essayé de pratiquer cette intro-là au bordel. Ils n'ont pas aimé. Tu m'as trop l'en nom. Alors, mon nom est Guillaume Pelletier. Oui, voilà. Mon nom est Guillaume Pelletier. J'ai 18 ans. Fait que je suis encore trop jeune pour trouver ça cool, la route des vins. Parce qu'en fait, je comprends pas pourquoi du monde dépenserait des centaines de dollars pour se saouler sur une route. Je veux dire, rendu là, paye 3,75 de métro, va au quartier latin. Tu vas croiser autant de gens désagréables. Sauf qu'au moins au quartier latin, le monde sont désagréables parce qu'ils sont sous. Sa route des vins, c'est parce qu'ils sont français. Pour de vrai, la seule chose qui pourrait me faire aller sur la route des vins, c'est si j'irais avec un alcoolique fini. Tu sais, le genre de gars qui, après deux vignobles, il se met à courir tout nu au milieu des raisins, en gueulant genre « Je me sens au jardin d'Éden! » Là, puis il pile sur une racine, il tombe à terre, puis il vomit partout. Ce serait magique. Ça me rappellerait le camping avec mon père. Une autre activité que j'ai réalisée récemment que j'aimais pas, c'était le canot camping. Parce que récemment, pour ma deuxième session de cégep, on avait besoin d'un cours d'éducation physique. Puis au début, je comprenais pas. Tu sais, canot camping, c'est le genre d'activité que tu sais pas pourquoi tu fais pas ça plus souvent. Tu sais, t'es proche de la nature, ça te permet de découvrir de nouvelles choses, de beaux paysages. Surtout, c'est juste trois cours dans ta session, fait que ça, c'est cool. Puis, après la première journée, j'ai réalisé pourquoi je faisais pas ça plus souvent. En gros, le premier jour, OK, on place notre tente, puis on découvre ça va être qui nos guides pour la fin de semaine. Le premier s'appelle Serge. Un vieux monsieur qui sent l'aventure, OK? Tu sais, le genre, le gars était tellement vieux, je suis sûr que c'est lui qui a guidé les bateaux de Christophe Colomb, OK? Et il parlait avec un petit accent français, puis il avait tout le temps l'air content, mais c'était tout le temps de faire des blagues qui marchaient pas trop. Moi, je l'ai appelé Serge Postigo. Ensuite, il y avait aussi nos deux profs, Annie et Mélanie, deux blondes. Pour de vrai, ils étaient tellement pareils, j'avais presque l'impression que les deux étaient jumelles, puis qu'au moment de les nommer, leurs parents avaient comme fait... Bon, selon on va l'appeler Annie. Selon on va l'appeler... Annie. Là, l'infirmière s'était dit, OK, Mélanie. Comme si l'une était une version plate de l'autre, genre... Mais vous inquiétez pas, c'est pas du tout vrai. Les deux étaient plates. Donc... Non, en fait, OK, ils étaient pas plates. Mais, ils m'ont fait découvrir que les gens de plein air, c'est les pires connards de la planète. Parce que à un moment donné, j'étais avec ma partner, on était en train de ramer. Puis là, on comprend pas pourquoi, c'est la première journée, j'ai jamais fait de canot de ma vie. Là, on essaie d'avancer drette, mais ça chambranle de partout. Puis là, à un moment donné, Serge Postigo vient nous aider. Il nous explique, il dit, il faut que tu te places de même, tu fasses ça. Puis là, on est tous corrects. Là, la prof, qui est comme en arrière, a dit, mais non, Serge, t'aurais pas dû leur dire. J'aurais voulu qu'ils chavirent avant. Mais quel genre d'espèce de désir fétichiste masochiste tu voulais accomplir, madame? Chris, désolé de ne pas être sorti du vagin de ma mère dans un canot. Désolé de ne pas savoir comment ça marche, madame Staline. En plus, il y avait plein de moustiques. Ça, c'est classique du camping. Mais j'aimerais me porter à soir à la défense des moustiques, parce que c'est pas les pires, pour de vrai. Tu sais, un moustique, ça vient, ça te pique, ça te pogne un peu de sang, ça s'en va. Tu sais, après ça te gratte un peu. La Croix-Rouge fait ça. Est-ce qu'on les tape avec des tapettes à mouches? Je ne pense pas. Alors que le pire enculé en camping, c'est la mouche à chevreuil. Parce qu'elle a fait pas juste te piquer, elle te mord! Elle pogne une partie de toi! Man! Pour de vrai, je veux dire, je me sens attaqué par une bibitte qui fait 2 mm. Ça qui se passe. Et j'aurais un message pour toutes les mouches à chevreuil ce soir. Est-ce que vous pourriez rester avec votre créneau principal? Les chevreuils! Parce qu'aux dernières nouvelles, je ne goûte pas Bambi. OK? Voilà, maintenant que ça c'est dit. Le deuxième jour, on est allé faire une journée en rivière. Puis on est passé par un lac. L'aller, c'était correct. Pas de problème. C'était le retour. On a pogné une tempête. Les vagues arrêtaient pas de nous pousser sur le bord. Puis l'affaire en canot, quand t'es dans une tempête, c'est que tu peux pas arrêter de ramer. Même si t'as mal à ton âme, c'est une question de vie ou de mort. J'ai su ce que ressentaient les esclaves égyptiens. OK? Et pour de vrai, à un moment donné, j'étais tanné, exténué. J'insultais la mère de Serge Postigo. Je vous jure qu'à la fin de cette journée-là, mon vieux matelas de sol infesté de fourmis dans une tente remplie de moustiques semblait pour moi comme un hôtel 5 étoiles à Dubaï. OK? Puis, c'est pas tout. Parce que là, il y avait le troisième jour. Le jour de l'évaluation. Et en gros, l'une des évaluations qu'on avait, pour faire comprendre, c'est on était sur la base d'un rapide. Puis là, fallait garder une direction pour pas pogner dans le rapide. Fallait faire le tour. C'est pas une histoire qui peut finir bien. Ce qui s'est passé, OK, c'est que rendu environ à moitié du trajet, sans savoir pourquoi, on a chaviré. Dans une eau frette, mon gars, OK? Puis le pire, c'est que c'est arrivé en un claquement de doigts. Genre, une seconde, j'étais en train de faire Bear Grylls. L'autre, j'étais chez la petite sirène. Genre, hey, bonsoir, beau mobilier. On nous a ramenés sur l'île. Moi, j'étais tellement en crise de m'être fait humilier publiquement devant plein de prépubères que j'ai juste tout enlevé mon stock mouillé puis je l'ai pitché à terre. Sauf que ce que j'avais pas réalisé, c'est qu'on était sur une île de sable. Et que le sable, pis l'eau, pis les vêtements, c'est pas un bon mélange. Fait qu'en gros, je suis passé d'un loser mouillé à un loser mouillé avec du sable d'un bobette. C'était merveilleux. Fait qu'après ces trois jours d'humiliation, de fatigue et surtout de froid, j'ai compris une chose. Si Serge Postigo est pas capable de me faire aimer le camping, personne sera capable. Qu'est-ce qu'on vient de... Le tag t'as besoin. Oh my god, ben non, mais ça va être tout. Alors merci de douter. Bonne soirée. Guillaume Pelletier, mesdames et messieurs.